Charles Baudelaire, au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, nous alimentant nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux. Gaiement dans le chemin pour eux, croyant par où ils pleurent, laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan, la trismégiste qui verse longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté, et tout vaporisé par ce savant chimiste. Objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui pèse et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous voulons au passage un plaisir clandestin. Nous pressons bien fort une vieille orange, serrée, fourmillant comme un mignon d'Helminthe. Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, l'œuvre invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessin le canevas banal, le piteux destin, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres clapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris.